France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le sucre, de betterave ou de canne, en abuser, on en est convaincu aujourd'hui, n'est pas très bon pour la santé. On nous le dit, on nous le rabâche, tout en travaillant toujours à nous en gaver, nous en submerger, nous en rendre addicts. Mais en 1980 encore, dans l'épisode que lui consacrait la série L'épopée des matières premières, certains des intervenants pouvaient sanciller, dédouaner la surconsommation de sucre de toute responsabilité dans la multiplication des caries dentaires, des cas de diabète et des maladies cardiovasculaires. Le sucre, l'histoire de sa production, de sa consommation, les mécanismes de son marché, son avenir dans ses possibles applications dans l'industrie chimique et comme source d'énergie, c'était dans le cinquième volet de l'épopée des matières premières, une série en 10 épisodes que proposait la communauté des radios publiques de langue française. Une émission diffusée la première fois le 22 août 1980 sur France Culture. Communauté radiophonique des programmes de langue française. L'épopée des matières premières, une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Montage, Micheline Noël. Aujourd'hui, le sucre. Qui sait si l'énorme quantité de sucre qu'absorbent les Anglais n'est pas pour quelque chose dans leur puissance d'expansion ? On sait que le soldat anglais, renommé pour sa puissance musculaire, absorbe beaucoup de sucre. Le japonais, en cela comme en tant d'autres choses, aurait-il précédé l'occidental dans cette voie? En 1904, il achetait à la Russie, comme s'il eût voulu l'épuiser par avance, 1522 tonnes de sucre, alors que l'année précédente, il ne lui en avait pris que quelques centaines. Le sucre, Force du soldat, Almanach Hachette, petite encyclopédie populaire de la vie pratique, 1906. À la pancarte des strips, je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff, ils ont trouvé mon paf. Depuis quelques années, le sucre est en accusation. On lui reproche d'être l'un des principaux facteurs d'obésité et de favoriser la carie dentaire, particulièrement chez les jeunes. Une enquête récente a montré qu'en Europe occidentale, 97% des enfants de 3 à 7 ans avaient au moins une dent cariée. Oui, bien sûr, on a pris un peu le sucre comme un bouc émissaire nutritionnel, faute peut-être de pouvoir s'en prendre réellement ou fondamentalement à d'autres sources de l'alimentation humaine. Au demeurant, je ne ferai le procès de personne d'autre, mais simplement je chercherai à vous donner quelques notions raisonnables concernant ces accusations qui sont trop fréquemment portées au sucre. Le sucre provoque la carie dentaire. La carie dentaire est en fait une maladie bactérienne. C'est donc une maladie qui est causée par un virus, qui est le Streptococcus mutans, et il suffit simplement de se débarrasser de ce virus. Comment le faire, si ce n'est en respectant une hygiène bucco-dentaire absolument rigoureuse, ce qui n'est malheureusement pas le cas des populations de l'Europe occidentale. Si vous prenez le cas de la France, je crois que nous sommes à 2,5 individus pour une brosse à dents. Donc le problème, il est là. Et je puis vous dire que des expérimentations ont montré que sans sucre, eh bien, cette bactérie cariogène finissait par trouver sa subsistance dans d'autres hydrates de carbone. Bon, il se trouve qu'elle préfère, cette bactérie cariogène, le sucre, mais elle aime aussi les autres hydrates de carbone qui favorisent la constitution de cette fameuse plaque dentaire. Vous me parlez de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie multifactorielle. L'obésité, c'est de manger trop de tout. Dire que le sucre favorise l'obésité est tout à fait exagéré. Et si vous observez un obèse, vous verrez qu'il est gros mangeur de pain, gros mangeur de beurre, gros buveur, gros mangeur de pommes de terre et à l'occasion, gros mangeur de sucreries. Mais on ne peut pas attribuer au seul sucre et produits sucrés la responsabilité de l'obésité. « Ce cours du dessert appelait tous les arts, surtout celui qui brille au quartier des Lombards. Là, vous pourrez trouver, au gré de vos caprices, des sucres arrangés en galants édifices, des châteaux de bonbons, des palais de biscuits, le Louvre, Bagatelle et Versailles confit. Poème du XVIIIe siècle. Mêlé au vin, le sucre donne un cordial, un restaurant tellement reconnu que dans quelques pays, on en mouille des rôtis qu'on porte aux nouveaux mariés la première nuit de leurs noces. De la même manière qu'en pareille occasion, on leur porte, en Perse, des pieds de mouton au vinaigre. Le sucre est le condiment universel. Quelques personnes en usent avec les viandes, quelquefois avec les légumes, et souvent avec les fruits à la main. Il est de rigueur dans les boissons composées, et ses applications varient à l'infini, parce qu'elles se modifient au gré des peuples et des individus. Méditation 6, Bria Savara. Peut-on réussir à définir une consommation moyenne idéale de sucre par individu et par an ? Le Chinois doit consommer quelque chose comme 6 kg de sucre par année. L'Australien consomme 53 kg de sucre par année. Je ne connais pas de pathologie qui soit particulièrement liée à la forte consommation des Australiens. Ils ne sont pas plus obèses, ils ne sont pas plus diabétiques, ils ne sont pas plus carieux que les autres. Et je ne connais pas non plus davantage de santé que puissent retirer les Chinois de leur faible consommation. Alors, la consommation idéale, je crois que c'est une question de raison et c'est surtout une question d'individus et d'équipements qui permettent d'encaisser telle ou telle consommation de sucre, comme on encaisse telle ou telle consommation de graisse ou autre, sans autre problème de santé. La boisson nationale en Afghanistan était une sorte de petit lait, aigre au goût, qui, grâce à ses protéines, maintenait chez cette population pauvre un équilibre alimentaire précaire, certes, mais constaté. Arrive un cola d'origine américaine, à la teneur en sucre importante, et voilà qu'apparaissent des carences vitaminiques chez la majorité des petits Afghans. Article de l'hebdomadaire Le Point du 23-30 juillet 1978, intitulé « Le sucre, drogue douce ». La production de sucre n'a cessé d'augmenter partout dans le monde depuis une vingtaine d'années. Elle a pratiquement doublé. Elle est aujourd'hui de près de 94 millions de tonnes, alors qu'il y a 20 ans, en 1958-59, elle était de 45 à 50 millions de tonnes. Quelle est la part respective dans la production mondiale du sucre de canne et du sucre de betterave ? Eh bien, cette part n'a pas sensiblement varié depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle est d'environ 40% pour la betterave et 60% pour la canne. L'expansion a été relativement parallèle. On peut dire cependant que la canne semble actuellement se développer depuis quelques années à un rythme plus rapide que la betterave. Quelle différence existe-t-il dans la culture de la canne à sucre par rapport à celle de la betterave ? La culture de la canne à sucre est une culture tropicale, comme vous le savez, qui présente l'avantage de produire plusieurs cycles de production sur un même plan. Cependant, les variations de rendement sont énormes suivant le climat, suivant les conditions météorologiques qui, comme vous le savez, peut prendre des différences très importantes sous ces latitudes. Quant aux rendements à proprement parler, ils sont à peu près équivalents, mais le problème de la canne est que c'est une production agricole qui se mécanise très mal dans la mesure où les seules machines qui puissent permettre la coupe sans main-d'œuvre humaine, ne peuvent se réaliser que sur des terrains plantés à moins de 15% de pente, ce qui est le cas de l'Afrique du Sud, ce qui est le cas de l'Australie. Mais dans nos territoires ou départements d'outre-mer, plus exactement, dans des pays comme le Brésil, comme Cuba, la mécanisation est un problème extrêmement ardu. La canne à sucre ne nécessite donc pas de nouvelles plantations après chaque récolte ? Non, précisément pas. La tige de la canne repousse sur la souche et on peut avoir ainsi 3, 4, voire 5 cycles de reproduction de la canne sur un même pied, ce qui constitue effectivement un gros avantage. Dans certains pays assez arriérés, où il y a une production de canne au niveau indigène, si vous voulez, absolument pas industrialisée, on va même jusqu'à 10, quelquefois 20 cycles de pousse sur un même plan. Mais on a effectivement là des rendements extrêmement faibles. Le sucre existe à profusion dans le monde végétal, mais c'est surtout de la canne qu'il fut retiré dès la plus haute antiquité. Son origine botanique est sans doute à chercher du côté de la Nouvelle-Calédonie et des îles avoisinantes, d'où la canne se répand vers l'Indonésie, l'Inde et la Chine. Notre mot sucre dérive du mot sanskrit sarkara, dont l'origine vient peut-être de sri, qui signifie briser, exprimant ainsi l'état du sucre réduit en fragments. On trouve mention de ce produit extraordinaire chez Dioscoride, médecin des légions de Néron, et chez Pline. À cette époque, à Rome, le sucre se vend au poids de l'argent. Il existe une espèce de miel concret appelé sucre, que l'on trouve dans des roseaux de l'Inde et de l'Arabie heureuse. Il ressemble au sel par sa consistance et craque sous la dent. L'Arabie produit du sucre, mais celui des Indes est plus renommé. C'est un miel recueilli sur des roseaux. Il est blanc comme la gomme, cassant sous la dent. On l'emploie seulement en médecine. Nos ancêtres buvaient le suc de canne brute. Ensuite, on le cuisit en sirop, enfin on le fit durcir et sécher pour en faire du sucre blanc. Cela eut lieu dans le temps de la dynastie Tang, 8e siècle après Jésus-Christ. Un bonze, nommé Tse, s'établit sur la montagne Planchan, dans le district Suining. On ne savait d'où il venait. Un jour, son âne descendit de la montagne et ravagea la jeune plantation de canne d'un nommé Nuangxi. Pour le dédommager, le bonze lui enseigna l'art de faire le sucre. Li Shichin, naturaliste chinois. En Occident, pendant les siècles du haut Moyen-Âge, nous ne trouvons quasiment plus trace du sucre. Seule Venise, au Xe siècle, exporte le kurrat al-mil des Arabes, expression qui signifie boule de sel doux et dont nous avons fait le mot caramel. Mais c'est surtout grâce aux croisades que les Européens redécouvrent le miel de roseau, comme nous l'indique un des chroniqueurs de l'époque, Albert Dex. Le peuple ayant trouvé dans cette vaste plaine, près de Tripoli au Liban actuel, une grande quantité de canne remplie d'un miel que l'on appelle soukra, en exprimait le suc salutaire avec un extrême plaisir. Et une fois qu'ils en avaient goûté, les pèlerins ne pouvaient se rassasier de sa douceur. Cette espèce de plante est cultivée tous les ans par les agriculteurs du pays, avec un soin infini. À l'époque de la moisson et lorsque la canne a mûri, les indigènes la broient dans des mortiers, font filtrer le suc qu'ils en ont extrait et le recueillent dans des vases où ils le laissent reposer jusqu'à ce qu'il soit pris et durci, présentant alors l'apparence de la neige ou du sel blanc. Ensuite, ils le râpent pour le manger avec du pain ou le faire délayer dans l'eau. Ils le prennent aussi en forme de boisson. Et tous ceux qui le goûtent le préfèrent au gâteau de miel comme plus doux et plus salubre. Quelques personnes disent que c'est cette espèce de miel que Jonathan, fils de Saül, trouva sur la surface de la terre et qu'il osa goûter, malgré les défenses. Le peuple chrétien se nourrit donc du suc savoureux de ces cannes à miel. Oh, les les gars, la grand voile a besoin de nos bras. Et craque sa beau cuillère à peau. Plus il y a de voile, plus on étalera. La grand mave de la route, on y va, ça ira. En bras du cri cré crac, en bras bien matelot. Et craque sa beau cuillère à peau. La grand voile et nous, on s'arrangera. Oh, le filin dans l'eau m'a fait craquer la peau. Oh, le filin dans l'eau m'a fait craquer la peau. Au XVe siècle, les Portugais colonisent les îles Canaries, Madère et les Açores. Ils y installent des plantations de canne à sucre qui demandent une abondante main-d'œuvre, fournie par les trafics d'esclaves africains, organisés dès 1442. 50 ans plus tard, Christophe Colomb découvre de nouvelles îles et un continent ouvert à la culture d'une plante dont l'Occident vante les vertus médicinales et le goût merveilleux. Au XVIIIe siècle, les classes fortunées font grand usage du sucre. Pour les pauvres, il reste un produit de luxe dont la vente permet aux planteurs de s'enrichir considérablement, comme en témoigne Robinson Crusoe au début du roman de Daniel Defoe. Le capitaine me recommanda dans la maison d'un très honnête homme qui avait ce qu'on appelle un engenho, c'est-à-dire une plantation et une sucrerie. Je vécus quelque temps chez lui et par ce moyen, je pris connaissance de la manière de planter et de faire le sucre. Voyant la bonne vie que menaient les planteurs et combien ils s'enrichissaient promptement, je résolus, si je pouvais en obtenir la licence, de m'établir parmi eux. La première chose que je fis fut d'acheter un esclave nègre et de louer un serviteur européen. La culture de la betterave à sucre date du Premier Empire. Avant, le sucre venait de la canne à sucre qui était cultivée dans ce que l'on appelait les îles, les Antilles. La canne à sucre arrivait par bateau et elle était raffinée dans l'arrière-pays des ports ou encore dans des centres comme Orléans ou Rouen. La consommation de sucre de canne avait considérablement grandi depuis 1740, assurant la prospérité des îles, mais malgré tout, cette consommation de sucre restait le privilège d'une élite. Et d'autre part, elle reposait évidemment sur une économie de type colonial. Il fallait faire venir la matière première des Antilles. Or, la Révolution a provoqué une rupture. La guerre maritime avec l'Angleterre, d'une part, a empêché les navires de gagner les ports français puisque les côtes de France se trouvaient en état de blocus. D'autre part, les idées développées par la Révolution, les idées de liberté et d'égalité, ont gagné les îles, notamment Saint-Domingue, où les esclaves se sont révoltés et ont brûlé un certain nombre de plantations. Les Français se sont retrouvés à partir de 1793 sans sucre ou avec des quantités très faibles de sucre. Il s'agissait de sucre venu d'Angleterre. Mais, vous le savez, pour lutter contre l'Angleterre, on a établi le blocus continental, c'est-à-dire que l'empereur, et déjà avant le directoire, ont fait décider le boycott, le terme étant anachronique, de tous les produits anglais sur le continent. Et de ce fait, le sucre anglais, qui venait des plantations anglaises, s'est trouvé lui aussi interdit. Donc, on n'avait plus de sucre. Alors, on a cherché à trouver l'équivalent de la canne, car il n'était pas question, sous nos latitudes, d'installer des plantations de canne à sucre. On a fait des recherches en essayant d'extraire le sucre du miel, des châtaignes, des poires, des pommes, du maïs, car nous trouvons l'énumération de toutes ces recherches dans le Moniteur, notamment dans le Moniteur de 1811, du mûrier, de l'érable, assez inattendu car c'est une culture alors qui n'est qu'en début de développement, de la pomme de terre. On l'a essayé des cerises, ce qui n'a donné que des résultats désastreux, des prunes, des figues et, de façon plus inattendue, du varech. Mais les seuls bons résultats étaient ceux obtenus à partir du raisin. En effet, le raisin pouvait donner une sorte de sirop noirâtre que toutefois l'on n'arrivait pas à cristalliser. Et on a alors songé au sucre de betterave. Ce n'était pas une innovation, car déjà en Allemagne, au XVIIIe siècle, on avait procédé à des recherches à Berlin avec le chimiste Markgraf, et d'autre part, une manufacture s'était établie en Silésie sous la direction d'Achard, et on avait eu quelques bons résultats. C'est Delessert, un financier, un futur philanthrope, fils de financier qui avait de l'argent et apparemment des loisirs, qui était né à Lyon en 1773, qui a eu l'idée d'extraire de la betterave du sucre. Les premiers résultats n'ont pas été tout de suite concluants, mais très vite, on s'est aperçu que l'on pouvait obtenir un sucre qu'on pouvait cristalliser, à l'inverse de ce qui se passait pour le sucre de raisin. Et une première fabrique a été établie déjà dans le Doubs. Delessert a, de ce point de vue, joué un rôle de pionnier, et vous savez que lorsqu'il a annoncé à Chaptal que enfin on pouvait cristalliser le sucre de betterave, Chaptal est allé immédiatement prévenir l'empereur, qui a dit « il faut que nous allions voir tout de suite la fabrique de Delessert à Passy ». Et l'empereur, sans attendre, s'est transporté avec son escorte à Passy. Dans l'intervalle, Delessert a appris que l'empereur se rendait à Passy et a couru, évidemment lui aussi, dans sa manufacture, mais l'empereur était arrivé avant lui, et quand il a voulu entrer dans sa manufacture, il n'a pas pu parce que l'escorte barrait le passage. L'empereur a visité la manufacture de Passy en poussant des cris de joie, en déclarant qu'enfin on allait résoudre le problème du sucre et par là abattre la perfide Albion, car il y a toujours l'idée d'une lutte économique entre la France et l'Angleterre. Enfin, Delessert a réussi à franchir un barrage, l'empereur l'a aperçu et a détaché de sa poitrine la croix de la Légion d'honneur pour l'épingler sur celle du manufacturier ému aux larmes. Cette image d'Épinal, car c'est une image d'Épinal, montre la volonté de propagande de Napoléon. C'est un geste calculé, je vous signale d'ailleurs qu'il l'a fait également pour des peintres et pour d'autres. Et si cela a été amplifié par la suite, cela tient à ce que la propagande, notamment napoléonienne, voulait montrer que Napoléon, ce n'était pas seulement un génie guerrier, mais un génie civil. Au moment où le progrès industriel va prendre l'importance que l'on sait, il fallait montrer que Napoléon était aussi le père des manufactures. Mais alors revenons, si vous voulez, au résultat pratique de cette invention de Delessert. L'empereur, en effet, à qui on avait fait goûter à la fois un pain de sucre de betterave et un pain de sucre de canne, n'avait pas fait la distinction. Et il a pris un décret du 25 mars 1811 qui prévoyait que 32 000 hectares de terre en seraient réservés à la culture de la betterave. C'était quand même une superficie importante. Il a prévu, toujours dans ce même décret, 6 écoles expérimentales chargées d'améliorer le procédé de Delessert. Il a débloqué, comme l'on dit aujourd'hui, un crédit d'1 million pour assurer des perfectionnements de façon à ce qu'il n'y ait plus de différence, absolument aucune différence entre sucre de canne et sucre de betterave, et il a bien entendu prohibé le sucre de canne de fabrication anglaise. Ses premiers résultats ont été satisfaisants et l'empereur a pris alors un deuxième décret, le 15 janvier 1812, qui étendait la superficie réservée aux betteraves à 100 000 hectares. C'est-à-dire vraiment, on allait vers tout à fait une économie betteravière. Par ailleurs, il a libéré cette culture de toutes les taxes, de tout impôt, de façon à lui permettre de se développer. Et en effet, on s'est mis à cultiver de la betterave. On a vu apparaître quelques manufactures, moins vite qu'on ne le croit, parce que, vous le savez, les campagnes sont routinières et qu'il y avait une certaine méfiance à l'égard de ce procédé nouveau. Ça a recommencé l'histoire de la pomme de terre. Et en 1813, on voit s'esquisser une industrie du sucre en France qui est en train de prendre un essor sérieux, d'autant que avec le système du blocus, le sucre anglais ne parvient plus. Et que donc, les dames sucrent leur café avec du sucre de betterave. Seulement, vous voyez très bien la fragilité de cette économie sucrière. C'est une économie encouragée par l'État, soutenue par l'empereur, dans un climat tout à fait factice, c'est-à-dire un climat de protectionnisme. Or, en 1814, quand l'Empire s'écroule, quand les débouchés qu'offrait à ses manufacturiers, l'Allemagne, les pays sous domination française, sont perdus, et que la liberté des échanges, puisque Louis XVIII signe un traité de commerce avec l'Angleterre, permet à l'Angleterre de réexporter sur le continent notamment son sucre, alors apparaît la concurrence entre le sucre de betterave et le sucre de canne. Et c'est là que l'on découvre que le sucre de betterave avait été encouragé artificiellement, qu'il coûtait, malgré tous les efforts de Delessert, beaucoup plus cher, son prix de revient était beaucoup plus élevé que le sucre de canne. Et dans désormais une économie concurrentielle, en 1814, le sucre de canne balait littéralement le sucre extrait de la betterave, et c'est donc la reprise de l'économie sucrière à travers les thèmes des plantations, et d'ailleurs indirectement se ressoulève le problème de l'esclavage. En dehors de l'esclavage, l'économie de plantation n'a-t-elle pas engendré d'autres transferts de population ? L'histoire du sucre est très fertile en événements. Vous savez que 12 millions d'esclaves ont été transportés au cours des générations précédant l'abolition de l'esclavage. 12 millions au total ont été transplantés vers les îles sucrières des Antilles ou de l'océan Indien. Lorsque l'esclavage a été aboli, vers les années 1830, 1820, 1830, eh bien, les esclaves noirs n'ont plus voulu, dans certains pays, travailler la canne. Ils étaient devenus affranchis. Les colons, à ce moment-là, se sont tournés vers un réservoir de main-d'œuvre qui était l'Inde. On a fait venir, avec des contrats de travail, des Indiens, en particulier de la côte des Malabar. Ces Indiens ont peuplé des îles entières. Ils sont devenus majoritaires, par exemple, à l'île Maurice. Ils sont devenus presque majoritaires dans certains pays des Caraïbes. Il faut citer en particulier le cas de la Trinidad, où il y a un très grand nombre d'Indiens. Il y a des Indiens aux îles Fidji, par exemple, qui était une colonie anglaise. Aux îles Fidji, les Indiens sont devenus majoritaires également. Il est extrêmement intéressant sur le plan de l'histoire démographique de savoir combien cette prolifération indienne dans un certain nombre d'anciennes colonies a modifié le climat social et la structure démographique de ces régions. Actuellement, les premiers pays producteurs de sucre sont le Brésil, l'Union soviétique, l'Inde et Cuba. Mais d'innombrables pays dans le monde produisent aussi du sucre, qu'il soit de canne ou de betterave. Comment cet énorme marché mondial est-il organisé ? Disons qu'on peut l'imaginer un peu comme une sorte de gros artichaut dont on va enlever les feuilles. Production mondiale de sucre, à l'heure actuelle, 91 millions de tonnes. Production qui est essentiellement autoconsommée, les exportations ne représentant que un peu plus d'un quart, 25 millions de tonnes de sucre exportées à l'heure actuelle dans le monde. Alors sur ces 25 millions de tonnes de sucre, une partie va aller vers ce qu'on appelle le marché libre, l'autre partie circulant dans le cadre d'accords bilatéraux. Grossièrement, les grands accords bilatéraux, c'est les accords au sein des pays socialistes, essentiellement le sucre qui va de Cuba vers l'URSS et qui de l'URSS est ensuite redistribué à ses satellites. Ça fait à peu près 4,5 millions de tonnes. Ce sont les accords qui lient la communauté économique européenne et ses partenaires des pays en développement, ce qu'on appelle les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui sont en fait la suite des accords sucriers du Commonwealth et qui permettent, disons, à des pays dépendant complètement du sucre au niveau de leurs ressources financières de pouvoir continuer à exporter vers leur ancienne métropole à des prix intéressants, style île Maurice, Antilles britanniques, etc. Donc ça fait à peu près 1,5 million de tonnes. Là-dedans, il faut aussi qu'on compte les échanges entre les USA, Hawaï et Porto Rico, qui sont classés comme des exportations. Donc, il vous reste à peu près, pour le marché libre, 16,2 millions de tonnes. Donc, un marché international sur lequel se fait le prix mondial du sucre de 16 millions de tonnes. Or, ce marché international, théoriquement, est régi par un accord international sur le sucre. L'accord, à l'heure actuelle, a été signé fin 77 et marche à l'heure actuelle depuis un an et demi, en fait, ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un accord international pour une matière première ? C'est la constitution d'un certain nombre de quotas d'exportation pour les pays exportateurs et d'un stock régulateur qui intervient à l'achat ou à la baisse, suivant que le prix évolue plus ou moins bien au sein d'une fourchette. Fourchette qui peut être souvent d'ailleurs assez importante. Alors, les accords internationaux, pour l'instant, il n'y en a aucun qui marche dans aucune matière première. Il y a eu peut-être l'accord de l'étain dans les années 50 et 60. Sur le sucre, aucun accord n'a jamais marché, bien que le premier date de 1858 à peu près. Je ne pense pas personnellement, si vous voulez, que l'accord actuel va fonctionner. D'autant plus que ne sont pas membres de cet accord deux très gros exportateurs que sont la Communauté économique européenne et Taïwan. Alors, l'accord donc ne servant pas à régulariser le marché, où se trouve et où se forme le prix du marché, il se forme sur les grands marchés à terme mondiaux que sont, pour le sucre brut ou le sucre roux, qui est le principal sucre exporté, Londres et New York, et maintenant Hong Kong, et sur le sucre blanc, c'est-à-dire le sucre raffiné, qui est surtout le sucre exporté notamment par la Communauté économique européenne, ce sont les marchés de Paris et de Londres. Le cours du sucre évolue de manière aberrante. Il est de 1,25 cent la livre à la fin des années 60, puis il passe à 60 cents en 1974 pour redescendre à 7 ou 8 cents à l'heure actuelle. Comment explique-t-on des variations aussi phénoménales ? Bien, on l'explique par une psychose généralisée qui s'empare des marchés et qui amène les exagérations dans les deux sens. Je crois que c'est dans les années 66 ou 67 qu'on a vu le cours de 1,15 cent, qui est vraiment à peine le prix du sac. À l'époque, il y avait une situation parfaitement désespérée. Mais avec les exagérations, je répète, que provoquent les psychoses généralisées. C'est tellement vrai que j'ai eu l'occasion à 1,15 cent de faire une opération importante qui comportait entre 200 et 250 000 tonnes de sucre vendues à une grosse boîte qui s'appelait Public Air aux États-Unis, qui l'a utilisée pour en faire de l'alcool. Eh bien, le jour où le marché a appris que j'avais vendu une très grosse quantité de sucre dans ces eaux-là, 20, 25, 30, le marché a sauté en une semaine de 1,25 à 2,70 ou 2,80. Il a plus que doublé en moins d'une semaine. Parce que en une opération, qui était peu importante en soi par rapport aux excédents mondiaux, la psychose généralisée avait été cassée par cette opération, parce qu'on a tout d'un coup découvert que le sucre pouvait très bien faire de l'alcool. Et d'ailleurs, je crois encore aujourd'hui que ce genre d'opération peut intervenir d'un moment à l'autre. Mais qui joue sur ce marché ? Bien, c'est très clair. Les intervenants sont les producteurs qui vendent leur production, qui ont souvent, quand c'est des pays en voie de développement, besoin très rapidement de fabriquer l'argent nécessaire à payer la coupe de la canne, la transformation, enfin la vie des entreprises ou des États, car bien souvent ce sont les États qui se font les responsables de leur propre production et excédents sucriers, exemple le Brésil, qui intervient encore donc les raffineurs, qui sont des acheteurs de sucre en permanence, du sucre brut pour revendre des produits raffinés, des blancs, des morceaux, bref, et des professionnels qui sont des négociants comme moi, qui achètent les excédents dans les pays excédentaires et qui vendent ces excédents aux pays qui ont des besoins d'importation. Maurice Varsano, PDG de la compagnie financière Sucre et Denrées, dirige la première firme mondiale de négoce du sucre. Quand vous avez vendu ces 250 000 tonnes à ce taux assez dérisoire, comment, en tant que négociant, vous pouvez vous en sortir ? Eh bien, c'est pas difficile. En fait, j'ai vendu 200 000 tonnes de sucre à Public Air. J'en ai acheté 250 000 tonnes. Et je vous répète, à peu près au niveau du marché de l'époque, à 1,25, 1,30, dans ces eaux-là. Et j'ai proposé à mon acheteur Public Air qu'on en achète ensemble 50 000 tonnes supplémentaires, qu'on a achetées et dont ils n'avaient pas besoin. Bien, ça fait donc 250 000 tonnes. Et 15 jours après, j'ai revendu 50 000 tonnes dont ils n'avaient pas besoin et nous avons partagé ensemble le bénéfice entre 1,20 ou 1,30 et 2,50 ou 2,70. Je ne me souviens pas, ça remonte assez longtemps. Mais voilà où j'ai fait un profit parce que je savais que cette affaire allait faire éclater la psychose généralisée qui était baissière. Et il y a encore des gens à 1,15 qui pensaient que ça pouvait encore baisser plus bas. Or, il s'agissait de trouver le moyen de renverser cette tendance. Bon, ayant trouvé le moyen grâce à cette grosse boîte de distillation, notre opération a parfaitement réussi et a rendu service à toute la communauté sucrière. Et quand on arrive aux situations de 1974, c'est à peu près le même schéma, c'est deviner exactement le moment... Exactement, le même schéma à contrario. Si vous voulez, les marchés ne sont jamais dans une tendance haussière, c'est-à-dire qu'on grimpe une colline qui n'en finit jamais. Il y a toujours un autre côté de la colline, comme quand on descend dans un trou, il y a toujours à remonter le trou à un certain moment. Ben, c'est exactement la même chose. Cours mondiaux du sucre à Paris, prix en francs par tonne métrique. Octobre 1973, 1143. Janvier 1974, 2025. Mai 1974, 3086. Septembre 1974, 4105. Novembre 1974, 7350. Décembre 1974, 6228. Septembre 1975, 1782. Comment vous arrivez à peu près à pressentir le moment où le taux va s'arrêter de descendre ou le moment où le taux va s'arrêter de monter? Bien, d'abord par des services économiques très sophistiqués chez nous. Nous avons un certain nombre de collaborateurs qui se penchent en permanence et très objectivement sur l'ensemble des productions, l'ensemble des éléments intervenant politiquement, climatiquement et psychologiquement. Et toutes ces études, si vous voulez, font l'objet d'un dialogue permanent entre une vingtaine de mes collaborateurs à longueur de journée. On ne discute que de cela. Pourquoi le marché peut encore perdre 10 points ou 15 points, ou pourquoi, au contraire, il risque de gagner 20 points à la hausse. C'est une discussion permanente qui est non seulement entre gens dans mon bureau à Paris, mais qui est également un dialogue avec nos filiales à New York, à Londres, à Tokyo, de telle sorte que ce dialogue tourne 24 heures sur 24 et qu'on essaye de cerner au plus près possible le problème, ce qui ne m'empêche pas de souvent se tromper. Pour entrer dans le concret de vos activités, en quoi elles consistent exactement? Admettons que je représente le gouvernement chinois et que l'État, le gouvernement, ait besoin de 10 000 tonnes de sucre. Pourquoi est-ce qu'on va faire appel à vous et êtes-vous le seul à avoir ce type d'activité? Ah non. D'abord, nous sommes un certain nombre de firmes qui interviennent sur le marché. Disons que il y a dans le monde 5 ou 6 firmes qui sont les principaux opérateurs dans le marché et qu'il y a une bonne dizaine ou une quinzaine de firmes qui sont de moindre importance mais qui quand même jouent un rôle non négligeable. Nous avons des relations, je dirais, relativement privilégiées, ce qui n'empêche pas les Chinois, et je le comprends, et je l'admets, et je trouve que c'est la règle du jeu, que s'ils peuvent trouver du sucre à un petit cint moins cher que moi, eh bien, ils doivent l'acheter, et ils ont parfaitement raison. C'est du commerce à l'état pur. Comment faites-vous, justement? Vous faites un contrat avec les Chinois portant sur un certain nombre de dizaines de milliers de tonnes. Oui. Comment ça se passe? Oh, ben, ça se passe d'une façon très simple. Nous leur faisons une offre. S'ils sont acheteurs, ils débattent. Autrement dit, ils contre-offrent, on met au point les détails et on arrive à se rejoindre sur la valeur, sur le prix. Et on boucle l'opération et généralement, ça se passe très rapidement, en 2 heures. Ça se passe ou au Telex ou au téléphone. Nous avons un bureau à Hong Kong qui est en liaison permanente avec leur bureau d'achat à Hong Kong. Mais ça ne nous empêche pas simultanément de traiter des affaires avec Pékin. Nous jouons la place de Hong Kong non pas pour vendre sur Hong Kong, pour les besoins chinois, mais la place de Hong Kong est une antenne avancée des Chinois pour avoir plus d'informations auprès du monde capitaliste. Il est clair que si la place de Hong Kong n'était qu'une source de puiser des informations sans renvoyer contre ces informations de temps en temps des affaires traitées par Hong Kong, pour les Chinois, la place de Hong Kong ne vaudrait plus rien. Elle ne vaut que parce que contre les informations qu'ils reçoivent de toutes les firmes qui touchent au sucre, en contrepartie de cela, ils font des affaires de temps en temps qu'ils recèdent à Pékin, ce qui n'empêche pas Pékin aussi de faire des affaires. Alors, on est sur les deux voies, et dans d'excellentes conditions des deux côtés. Et à partir d'un cours mondial de 8 cents, oui, combien on pouvait jouer dans un marché comme ça, dans une discussion? Ah, ça c'est une bonne question. Très peu. Si vous voulez, c'est extrêmement marginal. Si nous vendons aux Chinois, le cours est 8 cents, eh bien, nous vendons aux Chinois 7,99 pour qu'ils aient le sentiment d'acheter un petit peu plus bas. Et si nous vendons à 7,99, c'est que nous avons le sentiment que dans la même journée, le 8 cents est nominal au moment où nous parlons. Mais nous avons le sentiment, et c'est là où interviennent tous mes collaborateurs, que dans la demi-heure ou dans les 2 ou 3 heures qui suivent, soit à Londres, soit à New York, soit même à Paris, le marché va se retrouver à 7,97 ou 7,95. Donc, nous jouons sur la propre tendance de l'instant. Bien, c'est là où je dis que nous nous trompons souvent. Le principal est que la somme des erreurs soit infiniment inférieure à la somme des non-erreurs au bout d'une année. Et quand nous arrivons à 60% de performance, je suis ravi. Donc vous faites affaire avec les Chinois à 7,99 cents. Oui, parce que le marché valait nominalement 8 cents, mais que nous avions le sentiment que des éléments allaient intervenir dans la même journée pour le faire tomber à 7,95. Bien, nous avons gagné 4 points. 4 points, c'est 1 dollar par tonne. Sur 50 000 tonnes, c'est 50 000 dollars. Mais alors, ce sucre, vous l'avez vraisemblablement pas en stock? Généralement, quel est le métier d'un opérateur en sucre? C'est d'acheter des excédents à des pays excédentaires. Et nous avons toujours dans nos livres des achats à un certain nombre de pays excédentaires qui ont été contrebalancé par des ventes sur les marchés à terme. Alors, la notion de stock n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'un achat? Un achat à tel ou tel pays signifie un contrat avec la contrepartie du pays qui peut être soit un producteur directement, soit un gouvernement ou une institution gouvernementale qui nous vend du sucre, disons, pour livraison échelonnée sur toute l'année 1979. Nous avons déjà dans nos achats des sucres achetés pour toute l'année 80 et même l'année 81, selon des formules alors assez sophistiquées pour mettre un prix sur ces achats. Mais nous avons la garantie de ce sucre. Bien. Donc pour nous, ce qui compte au moment où nous vendons aux Chinois, on a fixé, alors ça fait partie du préalable à la conclusion d'une affaire, quand les Chinois nous disent « nous sommes acheteurs de sucre », notre première question est « pour quelle période ?» En ce moment, par exemple, je sais que les Chinois ne sont pas acheteurs de sucre sur mai, juin, juillet, août. Mais je sais aussi que leurs prochains besoins de sucre seront sur septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, a priori, si je dois avoir un dialogue, ou mes services doivent avoir un dialogue avec les Chinois, je sais que c'est pour, disons, à peu près le deuxième semestre, ou la deuxième partie du deuxième semestre. Donc, nous avons dans nos livres énormément de sucre qu'on peut livrer sur cette période. Mais ce sucre est acheté en physique, vendu sur les bourses, dans les marchés à terme, et le jour où je vendrai aux Chinois, je rachèterai mes contrats de terme. C'est absolument automatique chez nous. Le sucre ne se limite pas à une saveur sur la langue ou à des tableaux de chiffres. Le sucre, c'est aussi des hommes et des pays qui portent toujours le poids du colonialisme et du néocolonialisme. La Côte d'Ivoire a voulu se doter en 1974 d'une possibilité d'exporter du sucre, donc d'une forte capacité de production. À l'époque, d'ailleurs, tous les experts mondiaux concouraient à dire qu'on entrait dans un cycle où la consommation allait excéder pendant longtemps la production, et la Côte d'Ivoire a décidé de créer des complexes, une dizaine de complexes, pouvant permettre d'exporter 600 000 tonnes de sucre. Enfin, pouvant permettre de produire 600 000 tonnes de sucre et d'en exporter 500 000 tonnes, sachant qu'il y avait une consommation de 100 000 tonnes de sucre. Alors, ça se passait à une époque où le sucre, c'était fin 1974, se trouvait aux alentours de 40 cents la livre. Donc c'était tout à fait valable, d'autant plus qu'à l'époque, les projets tablaient sur un prix de revient de 13 cents la livre. Bon, finalement, comme d'ailleurs dans tout projet, les coûts ont un peu augmenté. À l'heure actuelle, le sucre ivoirien commence à sortir à 23 cents la livre. Je parle toujours en cents américains et en livres américaines. Le prix du marché mondial est de 7 cents la livre. Donc, une différence quand même assez sensible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est probablement le gouvernement ivoirien qui aura à supporter la charge de cet investissement et des pertes qu'ils vont subir, que par contre, on retrouve parmi les firmes responsables de l'engineering de certains projets, la firme Tattenlyle, et que l'on retrouve au niveau du négoce mondial, la firme Tattenlyle. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que Tattenlyle ne prend plus en charge des complexes au niveau de la production, de la possession, mais intervient au niveau beaucoup plus de la périphérie, où malgré tout, les profits sont plus sûrs et plus rapides. Je parle de la Côte d'Ivoire, même cas au Swaziland pour Tattenlyle. Fondée en 1921 par la fusion des deux plus grosses firmes de raffinage de Grande-Bretagne, la société Tattenlyle est l'un des plus grands opérateurs sur le marché mondial du sucre. La diversification de ses activités et son emprise sur l'économie sucrière de certains pays en font un modèle du genre. On développe depuis longtemps la production de betteraves à sucre en Europe, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais vous avez certains pays qui restent très dépendants de la canne à sucre. 80% des surfaces, 80% des exportations. Si du jour au lendemain, on abandonne l'importation de sucre de ces pays, si la France, si l'Europe n'importe plus de sucre de ces pays du jour au lendemain, là-bas, au lieu que ce soit la misère, c'est la famine. Île Maurice, 1865 km², 850 000 habitants. Record mondial de la monoculture. La culture de la canne à sucre occupe 93% de la superficie agricole et représente plus de 80% de la valeur totale du commerce extérieur. Ces pays, dont l'économie est entièrement basée sur la production de sucre, doivent affronter la redoutable concurrence des isoglucoses. L'isoglucose est un produit de substitution mis au point par des chercheurs japonais et qui est ressorti des cartons lors de la crise de 1974. C'est un mélange de glucose et de fructose provenant de l'amidon de maïs, essentiellement, de blé ou de pommes de terre. L'isoglucose a le même pouvoir sucrant que la saccharose, mais il ne peut encore être cristallisé. C'est son seul désavantage. En 1978, la société Coca-Cola aux États-Unis a autorisé le remplacement du sucre par l'isoglucose dans ses produits. Gros producteurs de maïs, les USA risquent de réduire considérablement leurs importations de sucre. On imagine les conséquences que cela pourrait avoir pour certains pays du tiers-monde dont les États-Unis étaient jusqu'alors de gros acheteurs de sucre. Quelles sont les conditions de vie et de travail de ces travailleurs du sucre ? C'est très différent selon les pays, bien sûr. En France, nous avons des syndicats, des lois sociales. Ça se passe pas trop mal, malgré le chômage. Dans certains pays, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez des cas extrêmes comme l'Afrique du Sud, où le travail du sucre est lié au système d'apartheid. En général, en Afrique du Sud, ce ne sont pas les Noirs, ce sont les Indiens qui travaillent dans l'implantation. Et les conditions d'exploitation sont même beaucoup plus fortes que pour les Noirs. En Haïti, bien qu'on ne fasse pas beaucoup de sucre en Haïti, les conditions sont également extrêmement, extrêmement difficiles. Au Brésil, c'est également difficile. Pour citer un exemple, il y a eu une grève l'année dernière aux Philippines. C'est un tout petit exemple, une ferme de quelques centaines d'hectares faisant du sucre. Alors, le sucre, ça donne du travail pendant quelques mois de l'année. Pendant les autres mois de l'année, des salariés permanents de l'exploitation n'avaient pas de travail et demandaient à pouvoir cultiver 12 hectares de terre qui étaient incultes. Le propriétaire refuse, il y a des discussions qui s'engagent avec l'évêque, différentes personnes qui viennent aider les gens. En fait, les gens se sont retrouvés en prison et n'ont pu être libérés que grâce à un mouvement de solidarité internationale. Au Salvador, en janvier 1978, des travailleurs qui demandent une augmentation de salaire, comme on peut le faire en France ou dans d'autres pays, ça marche pas, ils se mettent en grève. Bon, eh bien, le jour de la grève, vous avez 7 camions de police et de soldats qui arrivent, qui écrasent la grève, 150 ouvriers qui se retrouvent en prison, qui sont battus, hein, et qui tombent sous le coup d'une loi qui s'appelle défense de l'ordre public. Quelles sont les conditions de travail dans les grandes plantations ? Les conditions traditionnelles de travail, qui étaient un travail manuel, étaient et restent très pénibles. Le ramassage de la canne à sucre avec les mains, c'est quelque chose de dur, les feuilles sont coupantes. C'est en soi quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement pénible. C'est un travail qu'on fait parce qu'on est obligé de le faire. Qu'on dise tout ce qu'on voudra des travaux des forges de fer, des verreries et autres, il est constant qu'il n'y en a point de plus rude que celui d'une sucrerie. Puisque les premiers n'ont tout au plus que 12 heures de travail, au lieu que ceux qui travaillent à une sucrerie en ont 18 par jour, et que sur les 6 heures qu'ils ont eues deux fois pour dormir, il faut qu'ils en ôtent les temps de leur souper, et souvent celui d'aller chercher des crabes pour se nourrir, car il y a beaucoup d'habitants qui se contentent de donner seulement de la farine de manioc à leurs esclaves. On fait lever les nègres pour assister à la prière environ une demi-heure avant le jour, c'est-à-dire sur les 5 heures du matin. Il se passe presque une heure avant qu'ils soient assemblés et que la prière soit faite. Parce que dans les maisons bien réglées, on fait un petit catéchisme pour les nouveaux nègres qu'on dispose au baptême ou autres sacrements quand ils sont baptisés. Quelques maîtres leur donnent à boire un peu d'eau de vie avant que d'aller au jardin. C'est ainsi qu'on appelle le terrain planté de cannes ou d'autres choses où l'on va travailler. Extrait du nouveau voyage aux îles de l'Amérique, par le révérend père Labat, de l'ordre des frères prêcheurs, 1742. Le sucre semble promis à un nouvel avenir en tant que matière première utilisée dans la chimie et comme nouvelle source d'énergie. On évoque même le terme de pétrole vert à son propos. Qu'en pensez-vous ? L'alcool peut être qualifié de pétrole vert En ce sens que, prenant certaines précautions d'emploi, il peut effectivement remplacer certains dérivés du pétrole dans beaucoup d'usages. Je crois que le pays qui a fait le plus gros effort pour développer l'usage de l'alcool est le Brésil. Lorsqu'on parle de l'alcool, on ne peut pas ne pas parler du Brésil. Le Brésil est, ou est en passe de devenir, le principal producteur d'alcool de fermentation du monde. Et pour ce faire, il a été au-delà de l'utilisation des mélasses, dont il produit une très grande quantité, et il a utilisé directement le jus de canne, ce qu'on appelle en langue créole le vesou, pour le faire fermenter directement en alcool. Aux dernières informations, qui sont récentes, elles datent de quelques semaines, on aurait au Brésil 1 000 000 de voitures qui circuleraient à l'alcool pur. Mais le programme initial n'était pas celui-là. Le programme initial, qui se réalisera progressivement, était de remplacer 20% de l'essence utilisée dans l'ensemble des voitures par de l'alcool. En fait, il y a déjà certains États, en particulier l'État de Sao Paulo et l'État de Guanabara, celui qui est autour de Rio, qui utilisent des proportions qui ont presque atteint 20%. Et ça n'a pas présenté de difficultés particulières. Et par contre, cela a apporté une amélioration sensible à la pollution atmosphérique dans des villes où, comme Saint-Paul, la circulation automobile est extrêmement intense. Alors concrètement, on mélange l'essence et l'alcool tiré du sucre. On mélange l'alcool tiré du sucre après l'avoir déshydraté, ceci est important, c'est une opération qu'on sait faire, mais enfin qui est une opération supplémentaire, à l'essence. Et l'automobiliste qui remplit son réservoir à une pompe sait que dans ce qu'on lui vend, il y a de l'essence et de l'alcool, mais il ignore la proportion d'alcool. Il sait simplement que selon toute vraisemblance, il y en aura moins de 20%. Lorsqu'on mélange l'alcool à l'essence, on n'utilise pas l'ensemble des caractéristiques très particulières et dont certaines sont avantageuses de l'alcool, puisqu'on ne modifie pas les moteurs. Si on veut utiliser l'alcool pur et utiliser à ce moment-là au maximum les avantages qu'il peut donner, en particulier en supprimant complètement l'utilisation du plomb, il faut modifier les moteurs et également, étant donné que les démarrages à froid sont souvent un peu pénibles, les dernières voitures mises en circulation au Brésil comportent toujours une petite nourrice d'environ 1 litre d'essence pour démarrer. Si vous voulez, au lieu d'utiliser un starter comme nous le faisons sur nos voitures, on utilise effectivement un starter pour faire démarrer le moteur et puis ensuite on repousse le starter et on marche sur l'alcool. Est-ce qu'on a une idée de la superficie qu'il faudrait cultiver en France en betterave pour subvenir aux besoins annuels en essence ? Écoutez, actuellement, il y a 35 000 hectares de betteraves qui sont consacrés uniquement à la production d'alcool. Et d'après des calculs très rapides que l'on peut faire, il faudrait certainement 8 à 9 millions d'hectares sur 55 millions qui sont actuellement cultivés en général en France pour produire l'alcool nécessaire à remplacer l'essence, uniquement l'essence automobile. Il existe depuis longtemps une industrie chimique qui part du sucre comme matière première pour certaines fermentations et également comme matière première pour fabriquer des produits relativement nobles, en particulier des produits tensioactifs. Qu'est-ce que vous appelez les produits tensioactifs ? Les produits tensioactifs, ce sont ceux qu'on ajoute à vos lessives de telle façon qu'il n'y ait pas trop de mousse dans les rivières. Ce sont des produits tensioactifs biodégradables. Ce sont surtout ceux-là qui sont faits à partir de sucre. La sucrochimie a-t-elle donné naissance à de nouveaux produits ? Je crois qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de produits à l'étude, mais en dehors de ceux que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire des tensioactifs biodégradables, je n'ai pas l'impression qu'on ait trouvé de produits révolutionnaires. Vous savez, si, à défaut de produits révolutionnaires, on pouvait simplement passer d'une matière première qui n'est pas renouvelable à une matière première renouvelable, on aurait déjà fait un pas en avant considérable. Le sucre, force du soldat ou agent pernicieux d'une mauvaise nutrition, facteur de développement économique ou destructeur d'hommes et de civilisation, espoir d'une nouvelle énergie ou gadget de laboratoire. Un peu de tout cela sans doute, aussi bien dissous dans l'histoire de l'humanité qu'un cube de cristaux blancs ou roux dans une tasse de café.